Salut, c'est Igor, le Happy Land. C'est Henri Padovani. C'est Kent. C'est Pat Kebra. C'est Presque en Métropole. C'est Google Premier. C'est les Ticket Monsters. C'est Jeff de Yalta Club. C'est Amar des Frelons. C'est Morgan et Antoine de Belle Plaine. C'est Nico du groupe Innocence. Salut, c'est Sylmarie, on écoute British Connection. British Connection. Salut, c'est François Tomaso dans British Connection et je suis là pour vous présenter Mr. Nice. C'est un roman que j'ai écrit qui est paru il y a quelques mois aux éditions Éric Boignier et je pense qu'il il a tout à fait sa place dans British Connection parce qu'il parle d'une période tout à fait british et tout à fait majeure dans l'histoire de la musique britannique. C'est un polar qui se passe en 1964. Et 1964, c'est une année assez importante dans l'histoire du rock. Beaucoup de groupes importants vont émerger. Et c'est surtout l'année où apparaît dans le grand public un mouvement de jeunesse qui va marquer considérablement l'histoire de la jeunesse britannique et l'histoire de la musique britannique, qui sont les Mods. Les Mods, ils s'affrontent sur les plages du sud de l'Angleterre, à Clacton d'abord en 64, puis ensuite à Brighton, avec les Rockers. Les Rockers, c'est des affreux motards avec des bananes et de la graisse plein les cheveux, et puis des grosses motos. Puis les Mods, ce sont des jeunes gens élégants sur des scooters qui écoutent de la musique noire. Et ces braves gens vont se retrouver ensemble les week-ends fériés sur les plages du sud de l'Angleterre, et ils vont s'en mettre plein la figure. Voilà, c'est ça que raconte Mr. Nice, mais j'y reviens un petit peu plus tard. En attendant, justement, on va écouter la chanson qui a inspiré le titre Mr. Nice, le titre du bouquin, et c'est les Small Faces, Here Come the Nice. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Here Come the Nice. Alors, Here Come the Nice, c'est une chanson des Small Faces où il parle un peu de leur dealer et c'est pour ça que j'ai pris ce nom pour mon héros qui s'appelle Stevie Nice et c'est un petit dealer qui voilà, qui fait un peu ses affaires dans le Londres de la nuit en 1964. Il vend des petites pilules, des blues, des purple hearts. Tout ça, ce sont des amphétamines et parfois mélangées avec des barbituriques, qui permet à tous les jeunes gens de la nuit londonienne de danser toute la nuit dans ce qu'on appelle des all-nighters, dans toutes les boîtes à la mode à l'époque. Le Bagonaise, le Flamingo et bien d'autres. Et ce sont dans ces boîtes que Mr. Nice fait un petit peu son beurre. Il devient tellement célèbre comme dealer de produits divers, Stevie Nice, que la pègre, la vraie, lui c'est un petit dealer, va commencer à s'intéresser à son cas. Et il se trouve que Stevie, il est métisse, tendant sur le noir, et un peu homosexuel, même beaucoup. Et il se trouve que voilà, le milieu crapuleux, et notamment les frères Grey, que j'appelle les frères Grey, mais dans lesquels tout le monde aura reconnu, enfin ceux qui connaissent cette époque, les frères Grey, qui étaient les rois de la pègre londonienne, décident de s'intéresser aux affaires de Stevie. Et là, il se rend compte que les vrais méchants, ils sont très très très méchants. Il se trouve qu'en plus, un des frères Grey est homosexuel, et a une relation avec le petit ami de Stevie. Et donc ça va très très très mal se passer. Vous allez voir en lisant le bouquin, ça commence un peu sur des modes musicaux sympathiques, et assez rapidement il y a du sang un peu partout, parce que voilà, il a affaire à des gros méchants qui n'hésitent pas à tuer, et qui aiment ça même. Et donc Stevie doit fuir la pègre londonienne sur son scooter, mais nous en saurons plus un peu plus tard. En attendant, Stevie Nice est aussi le plus grand, le meilleur danseur de Londres en 1964, 65, 66. Et un morceau forcément sur lequel il a dansé, c'est Nothing But a Heartache, des Flirtations. Listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Alors dans Mr. Nice, il y a du roman policier, parce que c'est un roman policier. Je ne vous dévoile pas toute l'intrigue, parce que forcément j'en ai déjà beaucoup dit, mais en effet, ça, il va y avoir des morts, des rebondissements, on croise des personnages assez particuliers, un producteur fou qui s'appelle Mo Geek, et qui est aussi les spécialistes de la musique des années anglaises des années 60 auront reconnu le personnage, un producteur fou qui faisait des instrumentaux qui cartonnaient à l'époque, qui était aussi homosexuel. On est dans le milieu de l'homosexualité. Il faut savoir que l'homosexualité est devenue légale en Angleterre en 1967, et donc c'est une période importante dont je vais vous parler aussi dans Mr. Nice. Mr. Nice, c'est aussi et surtout un roman musical. Dans chaque chapitre commence par une chanson que vous pouvez d'ailleurs avec un code barre, et vous pouvez avec le QR code basculer sur des clips sur YouTube et écouter la chanson. Voilà, on est dans les clubs, on est dans tout ce qu'aimait les modes, c'est-à-dire la musique noire des années 50-60 et un peu de jazz et ce genre de choses. Et voilà, c'est un roman dansant que je vous recommande de lire avec la bande son, c'est plus marrant comme ça. Et puis je remercie Eric Bonnier, puisque c'est mon éditeur, et il a eu cette idée de lancer sa collection qui s'appelle Encre Rock, avec un autre bouquin sur Joe Strummer, mais aussi avec Mr. Nice. Et je vous conseille de lire toute la collection des Encre Rock chez Eric Bonnier, parce que si vous aimez, si vous écoutez British Connection, cette collection, elle est pour vous. Si vous voulez lire des livres qui parlent de notre passion musicale, il faut faire ça. Mr. Nice, je vous le dis, hein, c'est un roman court, sec, plein de rebondissements, de musique, pas mal d'humour aussi, parce que c'est british. Et voilà, c'est pas un bouquin rock'n'roll, puisque les mods n'aiment pas le rock'n'roll. C'est un bouquin plein de soul, plein de musique, plein de musique black, et c'est un bouquin qui vous permet de garder la foi, qui était un peu la devise des mods, et ensuite des gens qui vont écouter la Northern Soul, qui est un peu le prolongement de la même chose. Tout cela étant dit, pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection. Et alors, il date pas de cette époque-là, mais c'est un morceau qui illustre pour moi le plus grand morceau de ce qu'on appelait le mode revival. Donc à partir de 1979, il y a un groupe qui est à l'origine de ce mode revival. Il y a un film, Cradophonia, tiré de l'album des Who. Mais la meilleure pour ma chanson d'un groupe qui s'appelle The Jam, et que vous connaissez forcément, et ça s'appelle Going Underground. Voilà, je vous laisse tous, à bientôt. Turn on the news and my body explodes. Spraying sheep on my TV screen. At this point, si t'aimes vraiment le rock, pose cette guitare et branche-toi sur British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Nice. Yeah. Nice to people with hair. Nice. What are you talking about? What am I talking about? Yeah, what are you talking about? All people get discriminated against constantly. And you just saw a perfect example of it. Oh, yes, here's your ball. Yeah, ask any ball person. Ask, go ahead. You still have issues with being bald. You know, if I were bald, if I woke up tomorrow and I found myself bald, I'd be so cool with it. It'd be no big deal. It's all natural. Yeah, right. That's what everybody says. Whatever. Hey, they have a pharmacy there, right? Yeah. I gotta get a prescription filled. I'm gonna go now, drop it off, and I'll pick it up. I'm done. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or the trigger of your gun? When the law breaking, how you gonna go? Shut down on the pavements or waiting in the row? You can't crush us, you can't bruise us, but you'll have to answer to Brixton. The money feels good. In your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. D'être réédité Tutti Frutti, oui, l'un des premiers albums des Vents Passent. Il était sorti à l'époque évidemment en 33 tours, en vinyle, puisqu'il n'existait pas les CD, et vient de ressortir eh bien, cette version rééditée 33 tours également avec trois titres live dont est extrait ce morceau Ballroom Blitz, les Vents Passent dans British Connection. We'll be right back. il faut me respecter, je suis le king. Ils commencent à courir avec toutes leurs histoires, j'en ai tout à l'accueil. Oh yeah! Connection avec vous depuis 1982. You rock! Hey, c'est Nick Giggs de Midnight Burst, guitare et chant. On est vraiment super content d'avoir Popa Chubby sur notre morceau. Et pour moi, c'était vraiment très très important de l'avoir sur ce premier album. C'est un des héros de mon adolescence, un des héros guitaristiques et blues de mon adolescence. J'ai énormément écouté son deuxième album, qui est un live d'ailleurs, et notamment sa reprise Wild Thing de Jimi Hendrix. Elle est très connue pour ses reprises de Jimi Hendrix, et à juste titre, ce morceau, c'est vraiment un des premiers morceaux que j'ai appris à la guitare, et je l'ai vraiment écouté et joué des milliers de fois. Vraiment, mais c'était à une période, c'était en boucle, quoi. Et, donc c'est vraiment un rêve de gamin qui se réalise, quoi. C'est fou, quoi. Complètement fou. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront la curiosité d'aller écouter l'album en entier, ils verront qu'on a un deuxième invité, un autre très grand héros du blues, mais français cette fois, le grand Fred Chapelier, qui joue sur notre prise Going Down de Freddie King. British Connection, just rock! About the shape I'm in, I can't sing, I'm Freddy and my legs that's in. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. She understands, she said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh, well. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie fin de l'album de la semaine. Je vous rappelle, le groupe s'appelle The Darts, ils sont américains. L'album Boomerang, retrouvez-les sur thedarksus.us.com. Are you down? Cette chanson est basée sur un riff de garage classique que j'ai écrit. La chanson rappelle certaines aventures de la tournée du groupe, le road trip de Nicole et Christina dans le désert californien jusqu'à Desert Days, un moment d'adulte fou sur un balcon en Italie, et notre guitariste saluant naïvement des garluches à Detroit. Il n'y a jamais un moment d'ennui dans ce groupe.